Web Musique, mon nom est Simon Roy et je vais être avec vous pour la prochaine heure. Web Musique, c'est la seule émission qui vous présente de la musique qui est présentée sous licence Creative Commons, Copyleft, même du domaine public. Donc, c'est toutes des pièces que vous pouvez télécharger et partager. Vous pouvez même remixer certaines pièces à condition de partager sous la même licence. Donc, c'est ça, je vous invite à écouter l'émission. Puis, s'il y a des artistes qui vous intéressent, ben pourquoi pas les télécharger, puis en parler à vos amis. Puis, souvent, il est aussi possible d'acheter les albums. Souvent, c'est pas très cher. C'est une bonne façon d'encourager directement les artistes. Donc, pour télécharger tout ça, ben vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, cette semaine, on va faire un petit tour en Russie. Un artiste qui s'appelle Pixstar, c'est sur le netlabel Mix Galaxy Records, un netlabel qui vient aussi de la Russie. Je vous fais passer sa pièce Jupiter Rising, une pièce qui est quand même assez longue, qui dure une bonne, bon 7 minutes, je crois. Puis ensuite de ça, sur Commodity Records, un netlabel qui vient de l'Angleterre, je vous fais passer Implosion Quintet, la pièce Jalopy Papers. Donc, on va débuter tout de suite avec Pixstar. We'll be right back. Ben, c'était une belle découverte pour moi. On vient d'entendre le groupe norvégien Implosion Quintet avec la pièce Jalopy Peppers. Un drôle de mix, sérieusement. Space rock, opéra, musique électronique, de l'accordéon, complètement pété. Donc, Implosion Quintet, c'est sur le Netlabel Commodity Records, un Netlabel qui vient de l'Angleterre. Avant ça, on avait débuté l'émission avec le russe Pixstar avec sa pièce Jupiter Rising. Ça, c'était sur le netlabel Mix Galaxy Records, un netlabel qui vient de la Russie. On va poursuivre avec Society, c'est sur le netlabel Vuoto. J'ai pas plus d'informations que ça à propos de Society. Ça serait composé d'un duo. Deux artistes, Genesis et Be Invisible Now. Donc, ils ont pas vraiment de page. Un groupe vraiment, vraiment intriguant. Vous allez voir, je vous fais passer leur pièce A New Solution. Puis, ensuite de ça, sur le collectif Vibrating Needle Recording, un autre netlabel que j'ai absolument aucune information parce que la page est en japonais et je suis pas très bon en japonais, donc j'ai pas plus d'informations que ça à propos du netlabel, mais je vais vous faire passer un groupe qui vient de Cincinnati qui s'appelle Such an Ugly Thing. Je vous fais passer la pièce The Fear. Vous allez voir, il y a un très drôle d'échantillonnage en début de pièce. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on entend Society avec la pièce A New Solution. But I could hardly recognize your head. Listing the crowd on a weekly day, but you were always too far and always hiding. You thought you looked like a bird, like a black angel floating gently. And the more I try, and the faster you walk, the farther you got, the more of us got lost. No hope was left, no reasons, no fight. Then you decided for me, what else could I say? And if I am in reach of you, the sun was a devil, dark shades around, and in my heart a stone. And I remember I was right on time to see the first step. Vortex, she wanna quit? You must realize, man, we found the main nerve. That's what gives me the fear. Look. What? There's two women fucking a polar bear. Don't tell me those things. Not now, man. This is my last drink. How much money can you lend me? Not much. Why? I have to go. Go? Yeah. Leave the country. Carlo, calm down. Shit, you'll be straight in a few hours. Just sit the fuck down. Oh, fuck good. Around, man. This is serious. One more hour in this town, I'll kill somebody. Thank you. toujours à l'antenne de CKRL. Vous écoutez l'émission Web Music. On vient tout juste d'entendre un groupe qui vient de Cincinnati qui s'appelle Such an Ugly Thing. C'était la pièce The Fear. Avant ça, c'était Society, la pièce A New Solution. Ça, c'était sur le netlabel Vuoto. Puis, donc, c'est ça, la pièce The Fear de Such an Ugly Thing. C'était sur le netlabel Vibrating Needle Recording. Un collectif qui semble peut-être intéressant, j'en ai aucune idée, leur page est en japonais, mais j'ai réussi à trouver quand même quelques trucs intéressants pour vous. Donc on va poursuivre avec une autre pièce, tout de suite après on va passer en pause, mais tout d'abord c'est ça, on va entendre de la Hongrie, un groupe qui s'appelle Rise of Day, la pièce Under the Water in a Peaceful World, très belle pièce, assez planante. Je vous ai aussi mis une vidéo... Ça se passe sous l'eau, une vidéo vraiment, vraiment très beau. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite la pièce Under the Water in a Peaceful World. C'est par Rise of Day. Thank you. possible, mais bien sûr que si. Et pour l'imaginer, la meilleure façon, ben, c'est de commencer par avoir les bonnes informations. Alors écoutez donc Le Grain de Sable, l'émission d'Attaque Québec, en primeur sur CKRL 89,1, tous les mardis, 22h. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Pour l'occasion, Égalité genre féminin sera enregistrée devant public au Café Babylone en formule 5 à 7. Au programme, le 100e anniversaire de la Journée internationale des femmes et la situation des femmes haïtiennes depuis le séisme du 12 janvier dernier. Poésie et musique seront aussi au rendez-vous. Le 8 mars à 17h, une émission spéciale d'égalité genre féminin animée par Sophie Gall au Café Babylone au 181 rue Saint-Vallier-Est. Cette émission enregistrée en direct sera rediffusée sur les ondes de CKRL le jeudi 11 mars à 9h. Impact Campus, c'est le journal des étudiantes et étudiants de l'Université Laval. Un hebdomadaire qui couvre votre quotidien avec un regard neuf et objectif. Retrouvez à chaque semaine notre section Sciences et Technologies pour rester branché sur les dernières découvertes d'ici et d'ailleurs. Suivez-nous sur le web www.impactcampus.qc.ca. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique en compagnie de Simon Roy. Tout juste avant la pause, mon Dieu, c'était vraiment bon. C'était un groupe de la Hongrie qui s'appelle Rise of Day. C'était la pièce Under the Water, in a Peaceful World. Donc ça, c'était sur le net label Acoustic Firework Records. Un netable que j'ai découvert cette semaine, qui ont vraiment du bon stock. Je vous ai aussi mis une vidéo de cette pièce-là. Vous allez voir, c'est un très beau vidéo. Ça vaut la peine d'aller le voir. Pour ça, ben, allez faire un petit tour sur le site de l'émission. On va poursuivre avec un groupe qui vient de la Grèce, de la ville de Athènes. C'est sur le netlabel brésilien Psychotropico Delia. Ça s'appelle Hard Crime, a.k.a. Circo Inverso. C'est un peu de hip-hop, vous allez voir, c'est assez différent. La pièce s'appelle Trip to l'eau marin Vaucluse. Donc ensuite de ça, sur le netlabel Buddha Beats, c'est un netlabel qui vient de la Hongrie. Je vous fais passer Crookram, un album qui est sorti cette semaine. Je vous fais passer la pièce Breakdown. Donc on débute tout de suite avec Hard Crime aka Circo Inverso avec la pièce Trip to l'eau marin Vaucluse. We'll be right back. très belle pièce de Crookram, la pièce Break It Down, c'était sur le net label Buddha Beats Net Label. Donc, oui, j'ai un appel, je vais vous prendre tout de suite pendant la pause. Donc, avant Crookram, c'était Art Crime aka Circo Inverso. Donc, c'était avec leur pièce Trip to Lourmarin Vaucluse. Ça, c'était sur le net label brésilien Psycho Tropico Delia. On va poursuivre web musique avec un artiste qui vient de Moscou qui s'appelle DJet. Je vous fais entendre sa pièce Neo Infection. Ça, c'est sur le net label qui vient des Pays-Bas, Trourg. Puis ensuite de ça, un breton du nom de Arm avec sa pièce Ardoise. Thank you. C'était le Breton Arm, un artiste qu'il faut absolument voir live. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la brutalité de ces sets. C'est vraiment incroyable. C'est un, je pense, un des meilleurs shows que j'ai pu voir à vie. C'est ça, c'est vraiment à voir. C'était sa pièce Ardoise. C'est publié sur Fast. Avant ça, c'était un artiste de Moscou du nom de D-Jet, la pièce Neo Infection. Ça, c'était sur le netlabel Trug. Donc, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Pour ça, c'est assez simple. Rendez-vous au www.webmusic.org. Vous allez avoir accès à tout ce que vous avez entendu. L'émission est aussi disponible en balado-diffusion si vous avez manqué des petits bouts. Donc, nous, on va se quitter sur une dernière pièce. Ensuite de ça, c'est l'émission Poil de carotte qui est après. Donc, c'est ça, on va entendre un artiste polonais du nom de L'eau du robinet. Je vous fais entendre sa pièce La femme des sables. Vous allez voir une pièce assez tranquille pour conclure l'émission. Ça, c'est sur le netlabel Phonotactics, un netlabel qui vient du Portugal. C'est L'eau du robinet, donc, avec son album Cross-Eyed Mushroom Jazz, un nom assez inspirant. Donc, c'est ça, c'est tout pour Web Music. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission. Puis d'ici là, amusez-vous bien sur les ondes de CKRL. Thank you.